1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Franck Ferrand a invité un grand chirurgien cet après-midi pour nous parler de l'un de ses plus illustres prédécesseurs. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux que le professeur Fabiani ait accepté d'être des nôtres. Ensemble, nous allons évoquer le souvenir du grand Ambroise Paré qui, sous François Ier, sous Henri II, a véritablement accompli quelques exploits. Oui, j'imagine que vous allez nous raconter l'un de ces exploits. Oui, tout de suite. Là, nous allons partir pour le champ de bataille de Boulogne, voir comment Henri de Guise a mérité son surnom de Balafré. Et nous terminerons l'émission par l'évocation d'un musée. Oui, le musée d'histoire de la médecine, qui se trouve pas très loin d'ici, à l'université Paris-Descartes. Affûtez vos bistouris. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Juillet 1545, il fait une chaleur étouffante à Paris. Un petit homme brun, déjà bien dégarni, la barbiche en pointe, fait baptiser son fils François. Il a 35 ans, ce monsieur, il fait nettement plus, il s'appelle Ambroise Paré, il est chirurgien barbier, c'est le nom de la corporation à cette époque, nous y reviendrons tout à l'heure. Les parrains du baptême sont François de Villeneuve, docteur en médecine à Paris, et Louis Drouet, qui est le chirurgien barbier qui était déjà le témoin du mariage de Paré, la marraine est Jeanne de Prime, la grand-mère du nouveau-né. Ambroise Paré est simplement à la recherche d'une nourrice, une nourrice qui doit répondre à des critères bien précis. Voilà ce que nous raconte Jean-Pierre Poirier dans Ambroise Paré, un urgentiste au XVIe. La nourrice idéale doit avoir entre 25 et 35 ans et être déjà mère de 2 ou 3 enfants. Ainsi, elle aura des seins volumineux, aux veines et aux artères dilatées, capables de produire un lait abondant. Elle doit être saine, bien carrée de poitrine et bien croisée d'épaules, ni trop grasse ni trop maigre, avec une chair ferme et non pas mollasse, brune si possible et surtout pas rousse, avec un joli visage et des dents saines, une haleine agréable, elle doit enfin être diligente, chaste, sobre et joyeuse, rien que cela. Mais à peine le temps d'avoir trouvé la perle rare du nom d'Henriette, qu'Ambroise Paré est convoqué par son seigneur René Ier de Rohan. On lui explique qu'il faut tout de suite qu'il parte pour Boulogne-sur-Mer. Les Anglais se sont repliés depuis près d'un an dans ce port de la mer du Nord et les Français sont là qui assiègent Boulogne. À la mi-août 1545, ils ont même tenté le coup de feu sur un poste avancé sous les remparts de Boulogne. Seulement au passage d'un marais, la situation leur a échappé. Un détachement de cavaliers anglais a surpris les Français sur leur flanc droit. Imaginez une mêlée terrible et violente, des coups de masse, de haches, d'épées. On voit quelques membres qui sautent. Un homme dévale le talus, se laisse tomber de son destrier. Des fantassins accourent pour le relever, il gémit de douleur, le sang ruisselle de sa face. Ce guerrier déjà défiguré par la blessure, c'est François de Lorraine. On l'appelle à l'époque le comte d'Aumale. On le conduit comme on peut jusqu'à une espèce de tente de campagne qui fait office d'ambulance. On l'allonge sur un lit élevé, on essaie de l'ausculter. Auscultation déprimante, il faut commencer par éponger son visage sanguinolent. C'est confirmé, le jeune guerrier a reçu un coup de lance en pleine tête et il est totalement défiguré. Les proches autour de lui, ses compagnons d'armes, ses valets ne peuvent que détourner le regard de la plaie qui est horrible à voir. Pas de doute, le malheureux va mourir. Et François lui-même exige un miroir. Et quand il découvre l'ampleur de la blessure, il s'écrie « Grand Dieu, je suis déjà mort ». Eh bien, c'est au secours de ce cas désespéré que l'on va voir bientôt accourir un certain Ambroise Paré qui ne peut même pas procéder tranquillement au baptême de son fils. Un extrait de l'Orfeo de Monteverdi, Sinfonia sur Europe 1. Alors avant que Ambroise Paré à Paris n'arrive sur place, je peux quand même vous dire en quelques mots ce que font les Anglais sur notre continent. Philippe Erlanger nous le raconte dans sa biographie d'Henri VIII. Henri tenait à mener lui-même ses troupes à la bataille comme Charles Quint qui se préparait à y mener les siennes. Il voulait, en sa précoce vieillesse, réaliser les espérances de ses belles années. Sous ses ordres, commandaient effectivement Norfolk et Suffolk, beaucoup plus vieux encore, aidés du comte de Surrey qu'on tira de prison pour le faire général. Ce ne fut pas une mince affaire que de fabriquer une armure capable de contenir le colosse royal. On peut voir encore ce monument à deux hommes, ce monument où deux hommes normaux auraient tenu à l'aise. Imaginez la taille de la cuirasse. Le corps expéditionnaire britannique, parti de Calais, s'est divisé en deux corps d'armée. L'un a mis le siège devant Montreuil, l'autre s'est donc emparé de Boulogne. Alors, on a évacué Montreuil. Le roi Henri VIII, d'ailleurs, est reparti en Angleterre. Mais il a ordonné que l'on continue de défendre Boulogne, coûte que coûte. Ça devait être, à ses yeux, le second Calais. D'où ces assauts français, un en durant sur la ville portuaire. 200 vaisseaux de l'amiral d'Anbeau ont bien tenté des débarquements à Douvre et dans l'île de Wight, mais ils ont fini par se replier. Et à Boulogne, des combats de plus en plus rapprochés font d'innombrables blessés. Et parmi eux, donc, ce fier combattant de 25 ans, ce vaillant François de Guise, qui joue les nouveaux Bayards et se bat toujours à visage découvert. Je devais dire, se battait toujours parce qu'il n'est plus du tout en position. Voilà, je vous ai raconté la situation pour laisser à Monsieur Paré le soin et le temps d'arriver. Dans quelques instants, nous allons le retrouver à pied d'œuvre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'affreuse blessure de François de Lorraine. Vous venez de nous la raconter, il est défiguré. C'est le futur duc de Guise, au siège de Boulogne-sur-Mer en 1545. Il est blessé et Ambroise Paré vient d'arriver. Est-ce que c'est la première fois que le chirurgien est appelé sur un champ de bataille ? Oh non, pas du tout. Ambroise Paré, comme tous les jeunes praticiens de son temps, observe l'adage d'Hippocrate. La guerre est la seule véritable école du chirurgien. Oui, lui est né en 1510, certains disent en 1510. Pas loin de Laval. Il a d'abord été donc apprenti barbier à l'Hôtel Dieu à Paris. Barbier et chirurgien, donc, c'est le même métier. Il a assisté à des cours de dissection. Il s'est beaucoup intéressé à l'anatomie. Et assez vite, on va le retrouver sur les champs de bataille. D'abord dans le Piémont, pendant 2 ans, où il expérimente un nouvel emplâtre censé éviter les gangrènes et la putréfaction. C'est fondamental. Ensuite, il est nommé maître barbier chirurgien et attaché en 1542 au service donc du vicomte de Rohan. Nous l'avons vu. Le voici après. Alors, il a été au siège de Perpignan, etc. Et il a eu d'ailleurs à Perpignan l'idée lumineuse pour extraire de l'épaule du comte de Brissac une balle qu'on n'arrivait pas à trouver. Il a eu l'idée de faire reprendre au blessé exactement sa position initiale. Et oui, c'était tout simple, mais il fallait y penser. Donc, notre Ambroise Paré arrive au chevet de ce François si grièvement blessé à l'été 1545. Il n'a pu en arrivant que constater la violence des combats. Il a vu que le moins qu'on puisse dire est que François, qu'on appelle encore une fois le comte d'Aumale, n'est pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, le seul blessé. Une pièce d'artillerie qui était située en haut d'une tour tire dans la direction de deux soldats qui sont juste à côté d'Ambroise Paré alors qu'il vient juste d'arriver dans le camp et il voit les deux soldats sauter en l'air à côté de lui. Voyez l'ambiance quand même. Ambroise Paré sent le vent du boulet, si l'on peut dire. Il a juste eu le temps dans cette occasion de baisser la tête et des arquebusiers se moquent de lui, disant qu'il est ridicule d'avoir peur d'un boulet qui est déjà passé. Sauf que, en poursuivant sa course, le boulet va quand même tuer 4 autres soldats, voyez. Alors Paré se précipite auprès d'un des soldats blessés par le boulet qui gît à terre, qui se tortille en se tenant la cuisse. Daniel Picard, dans le roman historique passionnant qu'il a consacré à Ambroise Paré, qui s'appelle « Moi, Ambroise Paré, chirurgien de guerre, aimé des rois et des pauvres gens », nous dit « Le souffle du projectile a enfoncé le cuissard en fer de son armure légère et une fois celui-ci retiré, on constate un volumineux hématome envahissant toute la face externe de la cuisse. L'examen ne retrouve pas d'autres lésions évidentes, pas de fracture en tout cas. Et là, Paré préconise 2 jours de repos complet pour que le saignement s'interrompe avant d'inciser l'hématome. Il sera bien temps alors. » La blessure du futur duc de Guise est autrement plus grave. Le chirurgien personnel du jeune prince prend une pince, il se ravise. Évidemment, on peut à chaque moment dans ce genre de circonstances commettre un acte irréparable. Voilà ce que nous dit Jean-Pierre Poirier. Le coup a été si violent que la lance a cassé net et il n'y a aucune prise permettant de l'extraire du crâne du blessé. Le chirurgien a refusé d'intervenir, craignant que l'œil ne sautât en retirant le tronçon de fer. Il inférait sans crainte de se méprendre qu'autant voudrait que le duc eût été tué tout raide. L'entourage du pauvre comte d'Aumale, évidemment, est très, très inquiet. Les chirurgiens qui jusqu'ici se sont pressés autour du blessé n'ont pas du tout fait merveille. L'ambiance est maintenant très tendue et René de Rohan s'approche du blessé. « Monseigneur, dit-il, j'ai ici un chirurgien dont je me porte garant et qui a maintes fois fait ses preuves sur moult champs de bataille. J'en ai moi-même été le témoin à plusieurs reprises. Je vous demande de l'autoriser à vous examiner. » Il parle évidemment d'Ambroise Paré qui est venu avec lui. Le futur duc de Guise accepte, Ambroise Paré hésite, après tout lui n'est pas le chirurgien attitré du prince, enfin il accepte finalement et Paré bien entendu va demander d'abord qu'on le laisse seul avec le malade, il fait un peu le vide parce que vous savez il y a un monde fou en fait sous cette tente. Ambroise Paré demande s'il serait possible de rasseoir le malheureux et il commence à essayer de dégager toute la plaie. Ce sont en vérité les princes de France eux-mêmes qui vont procéder à cette délicate opération. Ils soulèvent l'oreiller plein de sang. François de Lorraine pousse des cris de douleur. Le chirurgien interrompt la manœuvre. « Il me faut de la lumière, dit-il. Peut-on me relever cette toile ?» Il y a un pan qui le gêne. Alors évidemment, on fait tout ce qu'il demande. Il examine la plaie. Il y a du sang coagulé en quantité, sous le sang, la pointe ferrée de la lance a pénétré le visage juste au-dessous de l'œil droit, tout près du nez. Ça a brisé l'orbite et un certain nombre d'autres os, arraché la peau, bien sûr, les nerfs, les tendons. La pointe est ressortie derrière l'oreille, dans le sillon entre la nuque et l'oreille. Et le fragment qui fait un demi-pied, vous imaginez, plusieurs longs centimètres, hein, le fragment se trouve dans le crâne et ne permet pas une éventuelle extraction. La blessure est vraiment très impressionnante. Aucun organe nerveux, cependant, ne semble avoir été touché. Évidemment, pas d'organe vasculaire important non plus. Alors quoi faire? Avec une pince à bec de corbin, Ambroise Paré peut essayer de saisir le fragment brisé et tenter de le tirer en arrière. Seulement, il ne sait pas à quoi ressemble le fameux fer de lance. S'il est hérissé de barbillons, les tissus vont être touchés. Et là, on risque de toucher des nerfs, des veines, etc. Je ne voudrais pas vous voir vous trouver mal avant la fin. Moi, j'imagine la scène. Là, écoutez, on revit la scène avec on vous. On voit, Anissa, que vous vivez chaque... On voit en tout cas que j'aurais jamais pu faire médecine. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'était pas votre domaine, ça, finalement. Si vous voulez, vous pouvez aller faire un petit tour dans le couloir entre-temps. Non, je vais rester, c'est passionnant. Alors, on ne sait pas à quoi ressemble, il n'y a pas de radio à l'époque bien sûr. Donc, Ambroise Paré va avoir une idée. Il va avoir l'idée de, au lieu de retirer le trait en arrière, de tirer la lance en arrière si vous voulez, il va avoir l'idée de la repousser en prolongeant le trajet initial jusqu'à son terme. Alors, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très audacieux bien sûr. Paré revient vers le blessé. Il s'accroupit, il lui parle tout bas à l'oreille. « Je puis tenter, dit-il, une opération fort audacieuse, mais risquée et affreusement douloureuse. » Il n'y a pas d'anesthésie. Quand un chirurgien l'époque. Vous dit ça, c'est pas bon signe. Non. Et le blessé, qui articule avec difficulté, lui dit « Vous êtes le maître, procédez. Je vais devoir, dit-il, inciser derrière votre oreille et m'en aller chercher le fer par là. Je consens à tout, dit le pauvre malheureux, travaillez. » Eh bien voilà, nous sommes maintenant à pied d'œuvre. Ambroise Paré, vous l'aurez compris, a pour assistant les propres princes de la Maison de France. C'est l'opération du siècle d'une certaine manière. Et dans la tente où se trouve François et sous laquelle il fait très chaud, eh bien on prépare des linges, des pansements gras, de la potion opiacée. Le chirurgien a réclamé de solides tenailles crantées. C'est le maréchal Ferrand qui les fournit, tout simplement. C'est plus efficace à juger le praticien que les pinces qu'on lui avait données dans un premier temps et qui sont inutiles dans, dans ce genre de circonstances. Et puis, ça y est, il est grand temps de faire ingurgiter au pauvre blessé toute la potion opiacée possible. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous fait revivre les exploits médicaux d'Ambroise Paré et notamment celui du siège de Boulogne-sur-Mer. Restez avec nous pour connaître l'opération et savoir comment tout cela va se dérouler. C'est dans un instant. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Comme diraient les médecins aujourd'hui, ça y est, on y est, hein, Franck. Oui. Il va falloir maintenant opérer. J'admire votre courage, Anissa, bravo. Nous sommes au siège de Boulogne-sur-Mer en 1545 et Ambroise Paré va opérer notre cher duc de Guise. Alors, il y a une précaution à prendre. Si votre seigneurie le permet, dit-il, je devrais mettre au moment décisif mon pied sur le côté du visage, afin de trouver quelque force, dit-il. Et pourquoi pas, articule le mourant, il faut que vous me fassiez un petit mal pour qu'advienne un grand bien. Un petit mal, il est vraiment ce qui s'appelle manier la litote. Je ne vais pas refuser par crainte d'une douleur qui passera, dit-il. C'est très intéressant le rapport qu'on peut avoir à l'époque à la douleur. On a eu l'occasion de faire déjà plusieurs émissions sur ce sujet, mais la douleur n'était pas du tout conçue de la même manière qu'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là quand même, le chirurgien dit « votre courage est grand ». Vous aurez compris que chacun des compagnons d'armes de François a un rôle. Il s'agit de cramponner le patient, de maintenir son crâne en position propice, d'éponger le sang, bien entendu, qui ne va pas manquer de jaillir. Paré incise, vous avez bien compris, de l'autre côté de la tête, du côté de la nuque. Il se saisit fermement du fer de lance grâce aux tenailles du maréchal Ferrand et il se met à tirer de toutes ses forces pour dégager le morceau de lance. Seulement, la pointe ne bouge pas. On voit Paré suer à grosses gouttes alors que ses assistants d'un jour tournent la tête de peur de s'évanouir devant cette opération de la dernière chance. Et petit à petit, la lance va sortir du crâne, puis sèchement d'un coup pour la fin. François n'a émis pendant toute cette opération aucune plainte. Ça fait partie des mystères. On ne l'a pas entendu crier, rien. Au prix d'un effort violent, Paré a donc réussi à retirer la lance sans endommager l'œil, sans toucher gravement d'eau, sans toucher les nerfs, les veines, les artères. Ça paraît complètement extraordinaire. La seule chose, le seul son qu'on ait entendu émettre de la part du pauvre patient, c'est « Ah mon Dieu, quand même ». Ça picote. Ça picote. Bref, l'assistance est soulagée. Paré regarde la pointe de lance brisée dans la tenaille et il constate qu'elle ne comporte aucun barbillon. Elle est parfaitement lisse, mais encore une fois, comment pouvait-on le savoir ? Le chirurgien nettoie la plaie, il retire les esquilles osseuses, les fragments de chair dilacérés, il applique les pansements gras. Et puis, il se lave les mains jusqu'au coude. Le frère de François est là, qui le félicite. « Comment vous dire toute notre admiration ?» lui dit-il. « Réservez-la aux blessés, monseigneur. Il s'est montré brave entre les braves, car pour moi, je crains fort de n'avoir pas fait de miracle. Vous craignez encore qu'il ne meure ? Je l'ai soigné, » répond Ambroise Paré. « Maintenant, c'est à Dieu à le guérir. » Et dans la célèbre vie de Gaspard de Coligny, on peut lire « Quoiqu'Ambroise Paré eut beaucoup de gloire de cette opération, on n'en eut pas meilleure opinion du malade. Paré lui-même dit qu'il ne fallait pas moins qu'un miracle pour le sauver, car il était persuadé fortement que la fièvre allait survenir, ce qui arrivant, il n'y aurait plus de remède. Mais comme c'est la peur qui la cause le plus souvent, et qu'il en avait été exempt jusque-là, à peine eut-il quelque émotion plus qu'à l'ordinaire, deux ou trois jours s'étant passés de la sorte, Paré commença à parler d'une autre façon et à dire qu'il entrevoyait quelque espérance. » Vous aurez bien compris que c'est un historien protestant qui parle d'un des grands chefs du parti catholique et qui n'est pas amen. Mais enfin, en même temps, c'est assez amusant de voir cet homme qui, en quelque sorte, ne connaît pas la peur. Et ce serait, nous disent les gens de l'époque, la raison pour laquelle il aurait survécu. François, donc le futur duc de Guise, va guérir. Au bout de six jours, il peut faire quelques pas, il peut arriver même à faire le tour de sa tente, vous imaginez. Alors la plaie est terrible, mais elle va cicatriser sous les pansements très particuliers d'Ambroise Paré, nous en parlerons tout à l'heure. Il y aura toujours au plein milieu de son visage une terrible cicatrice, bien entendu, puisque à partir de là, On va parler, à propos de François de Lorraine, on l'appellera François le Balafré. Il y a deux Balafrés dans cette famille d'ailleurs, mais enfin ça nous entraînerait un peu loin. Le frère de François le remplace durant le siège, qui se poursuit, qui ne se terminera que lorsque le roi François Ier décidera finalement de racheter aux Anglais la place de Boulogne, c'est peu avant la mort du roi, en 1546. Et entre-temps, Paris sera évidemment reparti pour Paris avec beaucoup de cadeaux, avec beaucoup de gloire aussi. On lui a offert notamment deux superbes rubis qui comptaient parmi les plus beaux qu'on ait jamais vus en France. Vous voyez quand même qu'on était tout à fait conscient de l'importance de l'exploit qu'il venait d'accomplir. Dans sa biographie, Jean-Pierre Poirier nous le dit, quand il raconte l'intervention à deux reprises dans ses œuvres, Paré ne s'en attribue pas formellement le mérite. Doit-on conclure à un accès de modestie, assez inhabituel chez lui, ou plus simplement au fait qu'il s'agit d'une décision et d'une action collégiale? Aucun contemporain, en tout cas, ne lui conteste le mérite de ce succès chirurgical. Ambroise Paré, de retour à Paris, va suivre les cours de Jacques Dubois, on en dira un mot, et c'est lui souvent qui va réaliser les fameuses dissections destinées à illustrer les cours du professeur. Il le fait plusieurs fois en public. En 1545, il publie donc un livre qu'il avait commencé à rédiger juste avant de partir à Boulogne, « La méthode de traiter les plaies faites par arquebutes et autres bastons à feu » et de celles qui sont faites par flèches, dards et semblables, aussi des combustions spécialement faites par la poudre à canon. On voit bien qu'il s'agit d'un chirurgien de guerre. Quelque temps plus tard, en 1552, François de Lorraine, alors là on pourra parler du duc de Guise, commandera la place de Metz, menacée par les armées impériales. Il envoie un message au roi Henri II, pour lequel travaille maintenant Ambroise Paré. Il va d'ailleurs avoir fort à faire au moment du célèbre tournoi qui coûtera la vie au roi en 1559. Voilà en tout cas ce qu'écrit en 1552 François de Lorraine. « Je tiendrai 10 mois s'il le faut, j'ai des hommes, des armes, mais pas un chirurgien digne de ce nom, et mes soldats meurent comme des mouches. Envoyez-moi maître Ambroise, ou je ne réponds de rien. » Bonjour maître Jean-Noël, nous allons parler avec vous de maître Ambroise et de tous les chirurgiens qui, dans la foulée, ont fait faire à cette discipline des progrès extraordinaires. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1, concerné. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. De nous faire vivre un exploit médical signé Ambroise Paré cet après-midi. Chirurgical, en l'occurrence. Chirurgical, et puis le courage d'un patient aussi, hein, hors pair. Et nous allons parler de l'histoire de la médecine avec votre invité Jean-Noël Fabiani. Il est chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et professeur d'histoire de la médecine à la faculté de Paris. Alors, il faut que vous nous expliquiez, Jean-Noël Fabiani, la part d'audace et la part d'habitude dans cette opération tellement terrible qu'elle a failli faire tourner de l'œil à Anissa tout à l'heure. Est-ce qu'Ambroise Paré avait déjà procédé à ce genre d'opération? Je ne suis pas sûr qu'Ambroise Paré avait déjà procédé à ce genre d'opération aussi spectaculaire, puisque tout de même la lance entre au-dessus de l'œil, sort derrière l'oreille, à la base du crâne, c'est vraiment une région on ne peut plus dangereuse. Mais en tout cas, Ambroise Paré a déjà l'expérience des flèches et autres lances pénétrant différentes parties du corps. Il sait que ressortir par le même trajet la lance, on risque d'avoir l'effet harpon, c'est-à-dire de déchirer les chairs. Et il sait que c'est dans l'axe même de la plaie qu'on va pouvoir avoir le moins de dégâts possible en sortant le fer de la flèche ou le fer de la lance. Il y a quand même, me disiez-vous à l'instant, une part de chance incontestable dans la réussite d'un tel exploit. Incontestablement, que cette lance n'ait pas détruit le chiasma optique, n'ait pas détruit les nerfs de la base du crâne, n'ait pas pénétré au niveau de l'œil, c'est une chance formidable. Oui. Une chance, une audace, il faut avoir la foi quand on est dans une position comme celle d'Ambroise Paré. Un peu plus tard, je le disais, en 1559, il va devoir opérer carrément le roi de France, Henri II, qui a été victime du même genre d'accident, mais alors cette fois pire encore si l'on peut dire, puisque ce n'est pas une lance métallique qui lui a traversé le crâne, mais cette fois c'est une lance de bois qui était cassée du reste et dont les esquilles se sont fichées à l'intérieur de la boîte crânienne. Et là, cette fois, Ambroise Paré ne pourra rien faire en fait. Exactement, c'est l'accident avec Montgomery, pendant ce tournoi où la lance tournoi pénètre, des tournelles. Voilà, la lance pénètre dans l'œil et va jusqu'à l'hypophyse, grosso modo. Donc elle ne pénètre pas dans le crâne à proprement parler, mais l'enlever présente un risque absolument considérable. On appelle Ambroise Paré, on appelle aussi le chirurgien de l'empereur, c'est-à-dire Vézal. Ah oui. En consultation, on n'est pas sûr s'il est arrivé à temps, enfin peu importe. Enfin, on voit bien que là, cette fois-ci, le pronostic est terrible et malheureusement, comme chacun sait, le roi Henri II en mourra. Ambroise Paré est considéré un peu comme le père de la chirurgie moderne. Vous trouvez que c'est légitime comme référence et comme révérence ? Ambroise Paré, c'est la vedette, c'est l'archétype des chirurgiens. Il a tout pour être la vedette et l'archétype, parce que il sort de rien, il ne parle pas latin, il s'oppose aux médecins, il invente des tas de choses, il écrit, et il écrit en français. Enfin, c'est vrai. Il écrit très bien d'ailleurs. Il écrit bien. Et d'autre part, on ne sait pas s'il est protestant ou catholique, il est sans arrêt contre tout le monde, quand on dit quelque chose, il n'est pas d'accord, il n'y a que Dieu qu'il ne discute pas, mais c'est un personnage absolument merveilleux et tous les chirurgiens de France se reconnaissent bien entendu dans un tel homme. Et vous savez, j'ai eu à mettre en scène ce personnage, j'en ai lu d'ailleurs des petits extraits tout à l'heure dans le récit, j'ai eu à le mettre en scène dans un roman qui s'appelle Les Fils de France, il y a des années de ça. Et vous savez, très vite, lorsque vous travaillez dans un roman historique, si un personnage est facile ou non à saisir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la galerie de quelques 110 personnages des trois gros volumes de ces romans, de loin, Ambroise Paré est celui que j'ai, me semble-t-il, saisi et senti le plus facilement. Il s'impose de lui-même comme s'il était là avec nous et encore vivant. C'est assez extraordinaire, cette personnalité hors du commun. Une personnalité à la fois sur le plan médical, chirurgical. Il a fait faire des progrès considérables. On parlera tout à l'heure peut-être de ses grands apports. Bien sûr, bien sûr. Sur le plan de sa vie personnelle, on ne sait pas s'il est protestant ou catholique. Il a 70 ans, il se remarie, il a 5 enfants. Enfin, nous sommes au 16e Tous siècle. Le trait qu'on a de lui ressemble au même. Enfin, on a l'impression de le voir et de le sentir. Hein. C'est un personnage d'une vitalité hors du commun. Et d'un bon sens hors du commun. C'est ça. Oui. C'est un autodidacte, peut-être qu'il faut partir de ça. Hein, tout simplement. Il faut expliquer ce qu'étaient à l'époque les barbiers chirurgiens. C'est-à-dire que ce n'étaient précisément pas des médecins. Absolument pas. Au contraire, le barbier, c'était quelqu'un qui était formé sur le tas, en quelque sorte, par un maître barbier. Comme son nom l'indique, il était d'abord là pour faire la barbe. Il faisait la barbe. Et puis, évidemment, comme il avait des rasoirs, on l'utilisait pour les incisions, les petites... Bien entendu. Voilà. Parce qu'au XVIe siècle, qu'est-ce qui coupe? Il y a les rasoirs. Et puis, c'est tout. Les épées ne coupent pas, comme vous savez. Elles tranchent par la force. Mais elles ne coupent pas. Il n'y a que le rasoir qui coupe. Alors, il y a des échoppes de barbier, celles qui sont au plateau d'argent. C'est le vrai barbier, celui qui a une échoppe en ville, et celui-là, il fait la barbe, il incise les abcès, avec le même rasoir d'ailleurs, et puis éventuellement il fait les saignées. Voilà. Parce que le grand traitement, c'est la saignée. Mais il fait la saignée sous l'ordre d'un médecin. C'est le médecin qui prescrit la saignée. Le barbier, lui, ne fait qu'inciser. Alors, Ambroise Paré va très vite se prendre de passion pour les opérations. C'est pas la barbe qui l'intéresse, lui, bien entendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on le voit sur les champs de bataille dès son plus jeune âge. Il a donc compris que c'est là que se passaient les choses, en fait. Il avait le choix entre la pratique civile et la pratique militaire. Lui, il choisit la pratique militaire pour se rendre utile. Alors, vous savez, à l'époque, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, parmi les grands seigneurs, c'était bien d'avoir dans sa troupe un chirurgien barbier parce que ça donnait confiance aux soldats. Et, oui. Et donc, il accompagnait la troupe et il rendait tous les services nécessaires pendant toute la campagne. Il faut dire que l'on mourait rarement du premier coup dans une bataille. Ça, c'est un des aspects de l'histoire militaire qu'on n'évoque pas suffisamment parce que c'est un peu gênant, mais c'est la vérité. C'est il est très rare qu'un soldat meure comme ça d'un Absolument. Coup. Généralement, il est blessé et il meurt des suites de ses blessures. Absolument. Et au XVIe siècle, on mourait sur place des suites de ses blessures. Donc savoir qu'on avait dans l'entourage du chef, savoir qu'il y avait un chirurgien qui éventuellement serait capable de soit de réduire la fracture, soit de panser la plaie, etc. C'était effectivement important. Surtout qu'arrive un nouveau mal qu'on ne connaît pas encore. Ce sont les bâtons à feu, les arquebuses. Et là, bien sûr, on pensait que par l'arquebuse à l'intérieur du corps, la pierre entraînait un venin et que le patient allait être empoisonné. Et la plupart des chirurgiens militaires voulaient traiter le problème en donnant des applications d'huile bouillante. C'est-à-dire que jusqu'alors, que ce soit des armes de poing ou de jet, c'est étaient des armes blanches qui tuaient. Exactement. Là maintenant, ce sont des armes à poudre. Exactement. Hein. Donc ça et fait des dégâts considérables. Et on pensait donc que cette arme avec la poudre entraînait un venin qui allait empoisonner tout le corps. Et donc il fallait détruire ce venin et on mettait de l'huile bouillante dans la plaie, ce qui entraînait des désordres considérables. Alors c'est là que Ambroise Paré va faire des découvertes extraordinaires et va révolutionner ce qui est en train de devenir une discipline, pour ne pas dire une science. Nous y venons dans un instant avec vous, Jean-Noël Fabiani. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous emmenez sur les traces du père de la chirurgie moderne. Nous parlons bien sûr d'Ambroise Paré avec votre invité Jean-Noël Fabiani. Il est chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et professeur d'histoire de la médecine à la faculté de Paris. Et c'est une émission qui fait beaucoup réagir les auditeurs d'Europe 1. Ceux qui en tout cas ne se sont pas évanouis en route. Et Emma notamment nous demande comment se passaient les questions d'hygiène, de stérilisation à l'époque. Il n'y avait pas de stérilisation, c'est ce qu'il faut expliquer, professeur. Il n'y avait pas de stérilisation, en effet. Autrement dit, lorsque l'on faisait une amputation, naturellement, on pratiquait la cautérisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la cautérisation ? C'est terrible à dire, mais une fois l'amputation effectuée, on prenait des tisonniers chauffés au rouge et on les appliquait directement sur la plaie pour brûler la plaie. Et en même temps, on faisait ce qu'on appelle l'hémostase, c'est-à-dire qu'on empêchait les vaisseaux de saigner. Et si jamais on ne faisait pas ça, ça continuait de saigner et le malade mourait. Donc c'était finalement l'application de ces fers rouges qui permettait à la fois de traiter, entre guillemets, ce qu'on appelait les miasmes. On savait pas ce que c'était qu'une bactérie, évidemment. Ce qui veut dire que assez souvent, le remède était pire que le mal. Parce que c'est là qu'on tuait le patient, quand même. Ou ne soyons pas aussi dur que ça. Vous savez, le bisturi électrique du chirurgien moderne n'est pas autre chose forme de cautérisation, modeste certes, et faite sous anesthésie générale cette fois-ci. Mais c'est quand même le même principe, si vous voulez. Alors, Ambroise Paré va révolutionner tout cela, ne serait-ce qu'au fameux siège de Danvilliers, où pour la première fois, il ne va pas appliquer ce qu'il dit avec son français extraordinaire, il ne va pas appliquer les fers ardents. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le tisonnier, il va avoir l'idée de ligaturer les artères pour qu'elles ne saignent pas. Alors comment a-t-il fait ? Et ça, il le raconte très très bien, parce que lire Ambroise Paré, c'est un bonheur. Eh bien, il n'avait pas de ficelle sous la main. Donc il met ce qu'on appelle une pince de Corbin pour tenir l'artère fémorale et il va passer autour une ligature. On dit que cette ligature, c'était en fait les crins de la queue du cheval de l'ambulance qui ont servi, c'est pour ça qu'on dit encore des crins chirurgicaux, pour faire la ligature. Et ça va être quand même une révolution dans la conception de ce qu'est une amputation. Oui, alors l'amputation néanmoins, c'est une opération terrible et majeure. Ambroise Paré en a fait beaucoup de ses amputations. Il a sauvé comme ça beaucoup de vies aussi, il faut le dire. Il a sauvé beaucoup de vies à l'évidence, en faisant des éclopés certes, mais c'était la seule façon. Il y a un petit côté géotrouve-tout quand même. Hein. Il faut inventer au gré des circonstances, il faut inventer une discipline qui n'est pas encore fixée. Et ça suppose notamment de bien connaître l'anatomie. J'ai parlé de dissection tout à l'heure. Oui. Les barbiers procédaient aux dissections. Alors, il n'est pas question qu'un médecin à la faculté se ne touche les mains, un évidemment. Cadavre. Il fait donc venir un barbier. La plupart d'entre eux sont totalement ignares. Autrement dit, comment ça se passe ? Vous avez le professeur qui lit le livre de Galien. En latin, devant les étudiants. On parlait tout à l'heure de Dubois. Mais Dubois, qui est-il ? C'est le fameux Sylvius, le grand professeur d'anatomie de la Sorbonne. Et il lit le livre et puis il fait venir des barbiers, la plupart du temps, complètement ignares, qui n'y connaissent rien du tout. Ils ne comprennent même pas ce qu'on leur dit en latin, mais, d'ailleurs. Bien sûr, ils ne parlent pas le latin, ils ne connaissent pas la première déclinaison. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est une rigolade, ces dissections. Et puis, de temps en temps, arrive un homme exceptionnel. Vésale en a été un. Il a été l'élève de Sylvius. Et un jour, le barbier était malade. Alors, Sylvius dit, oh, il est malade, et puis on va pas faire la dissection. Les étudiants disent, non, faites la dissection. Vésale, Vésale, Vésale. Ah, il y avait de l'ambiance. Oui, parce que Vésale, c'était un des étudiants. Et l'étudiant vient, et devant tout le monde, il fait une dissection absolument merveilleuse. Tout le monde comprend, enfin, grâce à Vésale, qui était élève. Et dans l'assistance, qui avait-il ? Il y avait Servet. Servet, Michel Servet était là et qui va voir à la fin de la dissection, Vésale lui dit, c'est grâce à des gens comme vous que demain nous ferons la renaissance de la médecine. Et voilà, c'est-à-dire que là, philosophie, religion, médecine, tout ça finit par se rejoindre, bien entendu, dans ce nouvel humanisme de l'époque. Absolument. Et alors notre Ambroise Paré avait beaucoup de respect pour Vésale, et en particulier, il lui a demandé l'autorisation d'utiliser ces fameuses planches d'anatomie de la Fabrica pour les utiliser dans ses livres. on peut dire d'Ambroise Paré qu'il a donc, d'une certaine façon, fait avancer la discipline et la connaissance des choses, mais avec un très grand empirisme. C'est-à-dire que, notamment dans la position des patients, il fait faire de gros progrès là aussi à la pratique, parce qu'il a compris que selon le type de blessure et selon les circonstances dans lesquelles la blessure a été contractée, il ne faut pas installer le patient de la même façon. Tout en fait. Donc tout ça, c'est de la pratique, tout c'est de la pratique. Du bon sens, d'une certaine manière. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait fait reprendre la position pour comprendre où était finalement la pierre de l'arquebuse, mais on n'a pas de radio à l'époque quand même. Comment voulez-vous savoir, quand vous avez un orifice d'entrée, où se trouve véritablement la pierre ? Eh bien, il faut reconstituer la position. C'est du bon sens, quelque part. On a l'impression, et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs, nous écoutant, là, se disent « Oh là là, mon Dieu, c'était la préhistoire de la chirurgie ». Mais ce que vous me disiez avant que ne commence cette émission, professeur Fabiani, c'est qu'aujourd'hui encore, un certain nombre des pratiques qui ont cours chaque jour dans les blocs opératoires sont directement héritées d'Ambroise Paré. Après tout, ce sont les mêmes organes que l'on traite et les instruments n'ont pas... bien sûr, on a le laser et tout ce qu'on veut et l'électricité, mais grosso modo, les instruments sont restés les mêmes néanmoins. Quand on pratique une amputation aujourd'hui à l'hôpital Pompidou, on utilise à peu près les mêmes instruments que ceux qu'utilisait Ambroise Paré à l'époque. Et c'est ça. Alors évidemment, il y a une très très grosse différence. Mais ça, ce serait l'objet d'une émission à part entière qui s'appelle l'anesthésie, bien sûr. Ça a été un grand progrès dans l'histoire de la discipline. Ça, je vous confirme. Alors, Ambroise Paré a eu une gloire de son vivant, il faut le dire. Il a reçu tous les titres qu'on pouvait donner. Il est devenu un homme très très très riche, il est devenu chirurgien du roi. Donc ça, on ne pouvait pas faire mieux, bien sûr. Oui, mais il a gardé l'opposition de la faculté de médecine, qui ne pouvait pas le souffrir, et qui s'est opposé. Mais pourquoi ça ? Mais parce qu'il ne parlait pas latin. Cette vieille guerre entre médecins et chirurgiens. Parce que les médecins se considèrent bien supérieurs. Ils parlent latin, et ils connaissent les textes. Et finalement, comme disait Guy Patin, qui était le doyen de la faculté un peu après, eh bien, ce ne sont que de petits bonshommes moustachus, bottés, qui se promènent avec leur bisturi, parce que le bisturi c'est aussi un mot qu'emploie pour la première fois Ambroise Paré, qui se prennent avec le bisturi et qui n'ont aucune importance. Ils n'ont droit d'opérer que sous les ordres, bien entendu, du médecin. Donc il y a une opposition. Alors heureusement, Philippe le Bel avait de son temps créé la confrérie de Saint-Côme, qui était des barbiers chirurgiens, mais qui quand même faisait passer des examens pour dire « celui-là peut vraiment faire de la chirurgie ». Et ce que devient finalement Ambroise Paré, il devient maître juré de la confrérie de Saint-Côme et ça va être son titre de gloire, bien qu'il ne parle pas le latin. Et voilà, comme quoi on peut quand même sauver des gens sans parler le latin. Pas toujours, mais parfois. Dans le très beau et foisonnant roman qu'il consacre à Paré, aux éditions Parole, un de vos confrères, le chirurgien Daniel Picard, parle de... Voilà d'ailleurs le titre qu'il donne à son livre. « Moi, Ambroise Paré, chirurgien de guerre, aimé des rois et des pauvres gens ». Il y a cette dimension très, très humble chez Paré. Il y a cette fameuse histoire que l'on raconte entre Ambroise Paré et Charles IX. Charles IX devant une petite opération, il lui dit « Ambroise, tu vas m'opérer, mais tu vas m'opérer un petit peu mieux que tous les gueux que tu opères tous les jours. » Et Ambroise lui dit « Mais sire, ce n'est pas possible. » Il dit « Comment ça ? Ce n'est pas possible. Je suis ton roi. » Il dit « Sire, j'opère mes gueux comme des rois. » Donc vous souffrirez d'être traité de la même manière. Ça aussi c'est la Renaissance et c'est toute une époque. Alors dans un instant, si vous le voulez bien, en votre compagnie, nous allons aller visiter un des musées les plus intéressants, les plus étonnants qu'on puisse voir à Paris et qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Alors nous allons essayer de relancer la mode, si je puis dire. Nous allons aller visiter le musée d'histoire de la médecine. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1.com. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec une plongée aujourd'hui au cœur de l'histoire de la médecine. Vous reconnaîtrez d'ailleurs, pour ceux qui aiment regarder la télé, la bande originale de la série Dr House. Vous recevez Jean-Noël Fabiani. Il est chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, professeur d'histoire de la médecine à la faculté de Paris et auteur de C'est l'hôpital qui se moque de la charité, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours, paru aux Arènes. Et justement, dans cet ouvrage, C'est l'hôpital qui se moque de la charité, vous nous expliquez, Jean-Noël Fabiani, que ce n'est pas Ambroise Paré qui a inventé la ligature, puisque ça se pratiquait depuis longtemps et même dans l'Antiquité, dites-vous, et que, pire que cela, après lui, on est revenu pendant très longtemps aux cautérisations musclées, et c'est-à-dire que finalement, on n'a même pas suivi son enseignement. Alors, demandez-vous, pourquoi Ambroise Paré ? Tout simplement parce que le personnage de Paré est séduisant et qu'il fait bien au fronton de nos hôpitaux modernes comme père de la chirurgie française, écrivez-vous. L'allure, ça compte aussi en histoire. Parti de rien, simple barbier, il devint chirurgien de quatre rois de France, dama le pion à la faculté dans ses ouvrages écrits directement en français, ce qui, lui qui ignorait le latin, peut-être un peu protestant sur les bords, ergotant tous les livres écrits par ses aînés, pinailleur avec ses pères et ne respectant que la Bible, le personnage plaît naturellement par son côté râleur, frondeur avec son franc-parler, tellement françois jusque dans son arrogance et son esprit qui préfigure Voltaire, Rousseau et les grands révolutionnaires. En effet, il y a de la révolution bourgeoise dans ce Paré-là. C'est ce qui expliquerait sa réputation d'une certaine manière. J'en suis convaincu, en tout cas dans nos cœurs. Alors, quand on se promène, d'abord il faut expliquer que ce musée d'histoire de la médecine est ouvert au public, hein, qu'on peut le visiter tous les jours, l'après-midi en fait, tous les après-midi, de 14h à 17h30, sauf les dimanches et jours fériés, il faut quand même le préciser. Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'il y a des souvenirs d'Ambroise Paré à l'hôpital ? Il y a des choses formidables sur Ambroise Paré. Il y a d'abord sa boîte d'amputation avec les instruments de son époque. Il y a aussi le génie d'Ambroise Paré avec des mains artificielles qu'il a composées. On les voit, elles sont articulées, on les voit très très bien dans les vitrines. Enfin bon, il y a des souvenirs bien sûr d'autres médecins, mais Ambroise Paré est en très bonne place dans ce musée d'histoire de la médecine. Ce sont des musées qui sont étonnants, ces musées de médecine, parce que d'un côté c'est fascinant, notamment les grandes planches, parce que il y a toutes ces gravures et tous ces grands dessins, etc., et ces écorchés, enfin tout ça donne une idée de l'extrême précision d'un enseignement qui, quand même, depuis de nombreux siècles, a eu tendance à se raffiner sans cesse. Mais il y a aussi le côté barbare, disons les choses honnêtement. Quand on voit toutes vos pinces, vos écarteurs et tout ça, ça ne fait pas très envie quand même. Alors vous êtes habitué, c'est votre quotidien, mais vous comprenez que pour le public, ce soit un peu surprenant, évidemment. Je pense que c'est un voyage. C'est ça. Nous sommes dans une époque où souvent on a besoin de se faire peur avec des films épouvantables. Ben là, au moins, écoutez, au moins aller voir des choses de l'histoire de notre médecine. Vous allez à l'université Paris Descartes. Alors c'est 12 rue de l'école de médecine à Paris. Faudrait peut-être le préciser. Absolument. Hein. Le musée existe depuis presque 50 ans. Je pense qu'on va bientôt célébrer son cinquantenaire. Il est au deuxième étage du bâtiment, dans une belle salle avec des boiseries. Tout ça est très belle époque, hein, très 1900. Et il y a dans ce musée, il faut dire, des collections qui sont parmi les plus riches et les plus anciennes d'Europe. Il y a le très beau musée qui vient de s'installer à Venise, là, que j'ai visité l'autre jour, hein, à la Scuola San Rocco. Ce très beau musée d'histoire de la médecine. Mais celui de Paris est beaucoup plus riche. Donc, il faut aller le voir, c'est encore une fois tous les après-midi, sauf les dimanches et sauf les jours fériés. Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani, j'allais dire de nous avoir fait rêver, si l'on peut dire. Oui, hein, oui. Bah, écoutez, c'est un rêve particulier. C'est mais un rêve c'est comme un rêve. Autre en fait. En tout cas, c'est à chaque fois une plongée dans un univers fascinant que celui de la chirurgie, bien sûr. Et je rappelle le titre de votre ouvrage sur la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours, aux éditions des Arènes. Ça s'appelle tout simplement « C'est l'hôpital qui se moque de la charité ». Merci infiniment. Merci.